kangai yo kangai. Yo kangai tata. Nasa ebi sa mokeli na. Ilo konyo so sale to sakai. Mokeli mai. Mai eto siyo. Mokeli zamba. Hey, na ma bele na mkunda. Eto sayo. Mokongai moto. Yeah.